Chapitre 10e. L'âme de la femme. Quand le XVIIIe siècle, ses conventions, ses exemples, le bon goût, le bon ton du monde, les leçons de la vie, ont renouvelé complètement l'éducation et presque la nature de la femme, quand ils l'ont dépouillée de tout naturel, de toute timidité, de toute simplicité, la femme devient ce type des mœurs sociales, la caillette. Le croquis que Duclos en a tracé d'un tour de plume à main levée, dans les confessions du comte de X, n'est qu'une esquisse légère et superficielle. Il a seulement effleuré cette physionomie dans son apparence, et l'on ne voit guère se dessiner, sous sa touche vive mais banale, que la femme légère, étourdie et vide de tous les temps. C'est, dit-il à peu près, une espèce au cœur et à l'esprit froid et stérile, occupée sans cesse de petits objets, rapportant tout à une minutie dont elle sera frappée, aimant à paraître instruite, vivant dans la tracasserie comme dans son élément, faisant son occupation des décisions sur les modes et les ajustements, coupant la conversation pour dire que les taffetas de l'année sont effroyables, prenant un amant comme une robe parée, parce que c'est l'usage, incommode dans les affaires, ennuyeuse dans les plaisirs, et Duclos s'en tient à ce portrait. La caillette est au XVIIIe siècle une figure plus particulière, plus significative. Elle n'est point seulement la suprême expression de la femme, de ses sens généraux, de son humeur commune. Avec les nerfs, la cervelle, les fièvres et les inconstances de son sexe, elle représente son temps et le particularise en ce qu'il a de plus propre et de plus délicat. Elle est avant tout le produit, le résultat, l'exemple le plus sensible, l'image le plus achevée, des recherches et des caprices d'esprit de la France. Et peut-être, ne saurait-on entrer plus avant dans la connaissance familière de ce siècle de la femme, le toucher de plus près, que par ce personnage où semble se montrer à la fois comme une exagération de la femme et comme un excès du temps. Ce qu'on pourrait appeler l'âme extérieure du XVIIIe siècle, la mobilité, la vivacité, tout ce mouvement de petites grâces, tout ce bruit de petits riens, c'est l'âme même de la caillette. La caillette représente en elle le dédain du monde qui l'entoure pour le sérieux de la vie, le sourire dont il couvre tout, sa peur des choses graves, des devoirs pesants, sa manie d'être toujours à voltiger sur ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense. Idées courtes, réflexions qui sautent, folies volantes, passe-temps légers, l'étourderie de la tête et du cœur, elle a le fond, tous les dehors. L'affection de l'inconsistance et de la légèreté évaporée. Elle reflète, elle affiche la nouvelle philosophie de son sexe, son horreur de toute pensée commune, grossière, bourgeoise, gothique, son détachement de tous les préjugés dans lesquels les siècles précédents avaient fait tenir le bonheur, les devoirs, la considération de la femme. Son idéal en toute chose et de tous les côtés est fait de petitesse, de brièveté, d'agrément. Il le lui faut piquant, si l'on peut dire, et comme taillé sur la grandeur et la longueur d'une brochure à la mode. Une récréation courante qu'on prend, qu'on feuillette et qu'on rejette, il n'est que cela pour parler à son imagination. On croirait voir, dans cette créature factice, la poupée modèle des goûts de cette civilisation extrême. Ce ne sont que jacasserie, minauderie, gentillesse raffinée. Il y a dans toute sa personne comme une sorte de corruption exquise des sentiments et des expressions. À force de se travailler, elle arrive à personnifier en elle cette quintessence du joli et de l'aimable, qui est alors dans les personnes la perfection de l'élégance, comme il est, dans les choses, l'absolu du beau. Elle dégage d'elle-même, ainsi que d'une grossière enveloppe, un nouvel être social auquel une sensibilité plus subtile révèle tout un ordre d'impressions, de plaisirs et de souffrances inconnus aux générations précédentes, à l'humanité d'avant 1700. Elle devient la femme aux nerfs grisés, enfiévré par le monde, les paradoxes des soupers, les mots pétillants, le bruit des jours et des nuits, emporté dans ce tourbillon au bout duquel elle trouve cette folle et coquette ivresse des grâces du XVIIIe siècle, le papillotage, un mot trouvé par le temps pour peindre le plus précieux de son amabilité et le plus fin de son génie féminin. Sous cette fièvre des manières, sous toutes ces dissipations de l'imagination et de la vie, il reste quelque chose d'inapaisé, d'inassouvi et de vide au fond de la femme du XVIIIe siècle. Sa vivacité, son affectation, son empressement aux fantaisies semblent une inquiétude. et l'impatience d'un malaise apparaît dans cette continuelle recherche de l'agrément, dans ce furieux appétit de plaisir. La femme se prodigue de tous côtés comme si elle voulait se répandre hors d'elle-même, mais c'est vainement qu'elle s'agite, qu'elle cherche autour d'elle une sorte de délivrance. Elle a beau se plonger, se noyer dans ce que le temps appelle un océan de monde, courir au-devant des distractions, des visages nouveaux, de ses liaisons passagères, de ses amis de rencontre pour lesquels le siècle invente le mot connaissance. Dîner, souper, fête, voyage de plaisir, table toujours remplie, salon toujours murmurant, défilé continu de personnages, variété des nouvelles, des visages, des masques, des toilettes, des ridicules, tout ce spectacle sans cesse changeant ne peut remplir entièrement la femme de son bruit. Que ses nuits se brûlent aux bougies, qu'elle appelle à mesure qu'elle vieillit plus de mouvement autour d'elle, elle finit toujours par retomber sur elle-même. Elle se retrouve en voulant se fuir, et elle s'avoue tout bas la souffrance qui la ronge. Elle reconnaît en elle le mal secret, le mal incurable que ce siècle porte en lui et qu'il traîne partout en souriant, l'ennui. Prenez garde, en effet, ne vous laissez pas tromper aux apparences de ce monde, à la réputation qu'il s'est faite par ses dehors. Allez au-delà de ce qu'il montre, touchez à ce qu'il laisse échapper. Que trouverez-vous comme mobile de ses agitations, comme excuse de ses scandales, comme expiation de ses fautes? L'ennui. Là est le fond du temps, le grand signe et le grand secret de cette société. Nous avons essayé de peindre ailleurs, dans ses caractères généraux, dans l'ensemble de ses influences, ce principe de mort qui se glisse partout sous le règne de Louis XV et apporte à l'âme de la France ses défaillances, tant de dégoûts, un si singulier désenchantement de son courage et de son initiative. Du haut en bas de l'échelle sociale, nous avons montré le mal croissant d'ordre en ordre, en bas éclatant brutalement par le cynisme du suicide, en haut s'incarnant dans un maître qui promène des petits appartements au parc aux cerfs l'ennui d'un peuple dans l'ennui d'un roi. Mais cette peine d'un siècle d'esprit punie par son esprit même, par la mélancolie de l'esprit, cette punition providentielle d'une société qui ne vit que par l'agrément, qui ne peut trouver de satisfaction que par l'intelligence, qui est lâche devant le devoir et ne connaît plus le dévouement, la tristesse de cette humanité qui n'a plus de vertus que des vertus de sociabilité, le vide de ce monde dont les intérêts et la conscience s'étouffent dans l'air des salons, ce supplice raffiné et à la mesure de la délicatesse du XVIIIe siècle, devait avoir son martyre dans la femme. Plus que l'homme, par l'exigence de ses instincts, par la finesse de ses sensibilités morales, par le caprice de tout son être, la femme devait souffrir de ce mal du siècle. Une débauchée d'esprit, Walpole, en appelant ainsi la femme du XVIIIe siècle, l'a définie et expliquée. J'ai une admiration stupide pour tout ce qui est spirituel. C'est l'aveu que fait une femme au nom de toutes. La femme est tout esprit, et c'est parce qu'elle est tout esprit qu'elle sent en elle comme un désert. Point de sentiment, point de force supérieure qui la soutienne, point de source de tendresse qui la désaltère, rien qu'une occupation de tête, une sorte de libertinage de pensée, qui la laisse retomber à toute heure dans le désenchantement de la vie. Son cœur flotte sans point fixe où il puisse s'attacher. Ses facultés manquent en même temps qu'un lien qui les assemble et d'un but qui les appelle en haut, d'une foi, d'un dévouement, d'un de ces grands courants qui enlèvent la femme aux faiblesses de sa volonté morale. De là cette aridité à laquelle elle ne peut remédier et dont elle se désole. De là cette prostration singulière, ce sentiment de lassitude qui émousse sa conscience, cet énervement dans le plaisir, ce goût de cendre qu'elle trouve à tout ce qu'elle goûte. Elle use de tout pour se réveiller, pour se donner une secousse, pour se sentir vivre, pour nourrir ou du moins agiter sa pensée. Elle se jette aux lectures, elle dévore l'histoire, les romans, les contes du jour, et l'ennui lui ferme le livre entre les doigts. À peine s'il lui reste le courage de se réfugier dans les essais de Montaigne et de se faire bercer l'âme par ce bréviaire sans consolation, que la dernière âme de femme du XVIIIe siècle, Madame d'Albany, appellera la patrie de son âme et de son esprit. Elle se livrera au monde, elle s'arrachera violemment, furieusement à la solitude. Elle prendra la passion dominante de la duchesse du Maine, la passion de la multitude, mais le dégoût d'elle-même ne la sauvera pas du dégoût des autres. Les gens qui l'environneront ne seront bientôt plus qu'une manière de spectacle. La société lui semblera un commerce d'ennui qu'on donne et qu'on reçoit, et elle reconnaîtra que l'ennui vient de partout, de la solitude aussi bien que de la foule, cette autre solitude, la plus absolue et la plus pesante de toutes. Laissait échapper une grande dame de ce temps au milieu du plus beau salon de France. Correspondance, mémoire, confession, tous les documents, toutes les révélations familières du temps trahissent et attestent ce malaise intérieur des femmes. Il n'est pas d'épanchement, pas de lettres où la plainte de l'ennui ne revienne comme un refrain, comme un gémissement. C'est une lamentation continuelle sur cet état d'indifférence et de passivité, sur cet engourdissement de toute curiosité et de toute énergie vitale qui ôte à l'âme jusqu'au désir de la liberté et de l'activité et ne lui laisse d'autre patience que la paresse et la lâcheté. L'ennui pour les femmes d'alors, c'est le grand mal, c'est comme elles disent, l'ennemi. Et écoutez-les lorsqu'elles en parlent, lorsqu'elles le confessent. Leur langage si net, si peu déclamatoire hors de là, prend des expressions énormes pour exprimer l'immensité de leur découragement. Le néant, tel est le mot qu'elle trouve, sans le juger trop fort, pour peindre ce sommeil de mort auquel elle succombe. « Je suis tombé dans le néant, je retombe dans le néant. » C'est une phrase que ces femmes de tant de goût et de tant de mesure écrivent couramment, naturellement, et qu'elles rencontrent sous leurs mains quand elles veulent parler de leur ennui. Tant ce qu'elles souffrent leur semble être une chose qu'on ne peut mieux comparer qu'au rien qui suit la mort. Les plus courtisés, les plus entourés, ont des cris pareils à des dégoûts de mourants qui retournent la tête contre le mur. Tous les vivants m'ennuient, la vie m'ennuie. Il en est qui arrivent à envier les arbres, parce qu'ils ne sentent pas l'ennui. Et la grande épistolaire du temps, Madame du Deffand, sera le grand écrivain de l'ennui. Cet ennui du cœur et de l'esprit réagissait sur le corps de la femme. Il lui donnait une souffrance, une faiblesse, une langueur, une sorte de tristesse et d'atonie physique, le malaise sourd que le temps appela de ce mot vague, les vapeurs. « Les vapeurs, c'est l'ennui, » dit Madame d'Épinay. De ce mal, le XVIIIe siècle n'apprécia guère que le ridicule. Fatigué de voir des femmes sans ressort, sans volonté, allongées sur des chaises longues, ayant pour toute force celle de faire des nœuds, se plaignant d'une façon si mourante d'être anéantie, le temps crut ou voulut croire qu'il n'y avait point de principe à une maladie devenue de bon ton et qui s'affichait comme une mode. Il essaya d'étouffer sous la raillerie, l'épigramme, la chanson, ces vapeurs qui ne lui semblaient que migraines, mal imaginaires, affectations, et qui pourtant cachaient, sous la comédie, sous l'exagération, la grande souffrance des siècles civilisés, la maladie du système nerveux, la secrète hypochondrie, la terrible et mystérieuse hystérie. Et lorsqu'à la fin du siècle, les vapeurs deviendront de véritables crises de nerfs, et que des femmes seront obligées de faire matelasser leur chambre à coucher contre des attaques périodiques, lorsque le mal éclatera avec de si frappants caractères chez la princesse de Lamballe, le public continuera à se moquer comme d'une manie de ces évanouissements périodiques. Il est besoin de rechercher ici les causes particulières au temps, personnelles à la femme d'alors, qui la prédisposait dès l'enfance à cet état valétudinaire, à ce mal étrange de l'ennui passé des forces imaginatives aux forces vitales, devant lequel la médecine allait se perdre en tâtonnement et en perplexité. La femme, en sortant du maillot, était enfermée dans une sorte de cuirasse. Toute petite, on commençait à lui dessiner et à lui façonner une taille artificielle au moyen d'un corps à baleine, sans laquelle les petites filles laissées à la nature n'auraient jamais fait, au sentiment du temps, que des êtres informes, des femmes de campagne. C'est à cette première compression des organes, à l'usage du corps embarrassant la respiration et la digestion, que Bonneau attribue généralement les vapeurs dans son livre « De la dégradation de l'espèce humaine par l'usage des corps à baleine ». Puis vient l'habitude du blanc et du rouge, qu'on ne portait autrefois qu'après le mariage, qu'on voit aujourd'hui aux joues des jeunes filles, et dont la femme abuse avec plus d'excès à mesure qu'elle vieillit. Usage malsain de préparation plus malsaine encore. Ce blanc n'est pas toujours du blanc de candy, fait de coquilles d'œufs. Il est souvent composé de magistères de bismuth, Jupiter, Saturne, de céruse. Ce jour ne se tire pas seulement de matières animales ou végétales comme la cochenille, le santal rouge, le bois de fernambouc, mais aussi de minéraux comme le cinabre, le minium, de minéraux de plomb, de soufre et de mercure calcinés au feu de réverbère. Et que de mots venant de là, de ce blanc, et surtout de ce rouge, dont le plus inoffensif, le carmin même, le rouge végétal, le rouge de Portugal, si renommé, comme le plus beau et le plus haut en couleur, est abandonné par les femmes à cause des douleurs de tête et des démangeaisons qu'il leur cause, des boutons, des fluxions du visage ou des gencives. C'est le moindre inconvénient de cette enluminure et de ce plâtrage. Le blanc et le rouge ne gâtent pas seulement les dents, ils font plus qu'abîmer les yeux jusqu'à menacer la vue. Ils attaquent tout le système nerveux et amènent dans tout le corps des désordres qui ne s'arrêtent qu'à la cessation de leur emploi. À ces désordres s'en joignent d'autres, produits par l'abus des parfums entêtants, par l'usage immodéré de l'ambre, par une cuisine que la France de Louis XIV ne connaissait pas, une cuisine toute composée de jus, de coulis, d'épices, de brûlots, un sublimé de succulence donnant au jeu des organes une effervescence factice, brûlant au lieu de nourrir, et mettant dans le chyle, dans le sang, dans la lymphe, un élément corrosif. Et pour relever encore cette cuisine, voici que s'introduisent, au dessert qui les ignorait, les liqueurs de Lorraine. Tout est contraire à l'hygiène naturelle de la femme, l'ordre et l'heure des repas, ces soupers qui s'enfoncent dans la nuit, qui forcent l'estomac dérangé et qui mettent, dans les lettres de femmes du temps, tant de plaintes d'indigestion. Et pour irriter et ébranler les nerfs de la femme, il y a par-dessus cela le café, le chocolat et le thé, que la médecine d'alors considère comme un des plus grands excitants. Quelle cause encore aux vapeurs ? Les médecins en trouvent une dans la médecine, dans la médicamentation de leur temps, l'abus des saignées et des purgations pour la moindre indisposition traitée par la diète et l'eau. Ils en signalent une autre bien singulière, la lecture des romans. C'est là, pour certains d'entre eux, l'origine est comme l'âme du mal de la femme. Ils font dériver son malaise, le dérèglement de sa santé, de cette manie de lecture romanesque qui remplit le siècle et qui prend les filles dès la bavette. En peignant l'état où les romans mettent la femme, cette vie suspendue dans l'attention, ces longues heures, ces nuits même, consumées par la passion de lire, tout ce travail de tête sans exercice, tant d'émotions, tant de sensations qui la traversent, l'étourdissement qui lui monte au cerveau de ces pages magiques qu'elle respire, de ce papier enivrant, ils arrivent à conclure, par la plume de l'auteur des affections vaporeuses, que toute petite fille qui lit à 10 ans, au lieu de courir, fera une femme à vapeur. Au fond, toutes ces raisons des vapeurs du XVIIIe siècle ne sont que secondaires. Il en est une qui les domine toutes, le monde, la vie du monde. C'est ce qui rend avant tout la femme vaporeuse. L'énervement lui vient de cette vie de veille, qui fait donner aux femmes le nom de lampe, de cette vie toute nocturne qui se couche au jour. Il lui vient de la fièvre succédant à cette vie, de ce tourment des nuits du siècle, l'insomnie, qui déjà sous la régence retourne les femmes dans leur lit jusqu'à 7 heures du matin, et qui fait plus tard, chez Madame du Deffand, chez Mademoiselle de l'Espinasse, ce grand désespoir de ne pouvoir dormir. Et qu'est-ce, pourtant, contre la santé de la femme, que cette vie matérielle du monde auprès de sa vie morale. Le jeu incessant de toutes les facultés, l'ambition, la jalousie, la guerre des rivalités, l'excitation de l'esprit, de l'amabilité, le travail de la grâce, les déceptions, les mortifications, les vanités qui saignent, les passions qui brûlent, quelle autre fièvre pour miner et ébranler le délicat organisme de la femme ? Devant le mal, chaque jour plus général, la médecine demeura d'abord embarrassée, hésitante. Il se rencontra des médecins qui, l'attribuant à l'imagination seule, guérirent les vapeurs sans les traiter. Ainsi fit le fameux Silva qui, sans remède, exorcisa les vaporeuses de Bordeaux en épouvantant leur coquetterie. Il se contenta de leur dire que ce qu'elles appelaient vapeur était le mal caduc. Forcé bientôt de prendre au sérieux de réelles souffrances, de reconnaître une maladie dans l'affection régnante et de traiter les vapeurs avec des remèdes, la médecine employa des toniques, des excitants, les antispasmodiques, l'éther, le musc, la safoetida, l'eau de mélisse, l'eau de la reine de Hongrie, les gouttes de Hoffmann, les pilules de Stahl et de Geoffroy. Ce traitement énergique et réconfortant réussissait assez mal quand parut un homme qui, pendant quelques années, une vogue presque égale à celle de la maladie qu'il soignait. Rien ne lui manqua, ni les persécutions, ni l'engouement des malades, ni la clientèle des femmes les plus qualifiées, ni la confiance de Madame du Deffand, qui lui demanda de lui rendre le sommeil. Ce médecin était le fameux Pomme. comparant les nerfs dans leur état de santé à un parchemin trempé et mou, il attribuait les vapeurs à un dessèchement, un racornissement du système nerveux. Toute la science de la médecine consistait, suivant son système, à rendre l'humidité à ce tissu. Et il croyait y parvenir en ordonnant des délayants, des humectants, de l'eau de veau, de l'eau de poulet, du petit lait, et surtout des bains tièdes, des bains de 5, 6, 8 heures même. Dans l'espace de 4 mois, une de ses malades, Madame de Clugny, passa dans l'eau 1200 heures. Il guérissait, il réussissait surtout. Mais deux des grandes dames qu'il soignait, la marquise de Beuzon et la comtesse de Belzunce, mouraient vers la fin de 1770 et leur mort faisait grand bruit. Et il était poursuivi par les jalousies et les tracasseries de ses collègues, qui allaient jusqu'à faire verser par des domestiques gagnés du sirop de Rabel sur les purées de concombre et de chicorée qu'il ordonnait à ses malades. Sa vogue commençait à passer. Il quittait Paris et regagnait Arles, sa ville natale. Ses ennemis répandaient qu'il était expatrié, qu'il était mort. Et profitant du retour de la mode, il comparait sa médecine à celle de Printemps, ce soldat aux gardes françaises qui avait fait une si belle fortune quelques années auparavant en prescrivant aux vaporeuses une décoction de foin. Mais Printemps ne s'était pas retiré comme Pomme, il était tombé. Il avait déjà, avec ses décoctions de foin, gagné de quoi donner du fourrage sec à deux chevaux qui le conduisaient à ses visites dans un bon carrosse lorsqu'il fut arrêté net en si beau chemin. Une requête présentée par la faculté à M. le maréchal de Biron l'avait mis à bas de son équipage. Cependant, Pomme vivait malgré ses ennemis et il avait encore des fidèles à Paris qui faisaient le voyage pour le consulter. Des dévotes entêtées et enthousiastes le restaient, tels que la comtesse de Boufflers, qu'on voit presque aussitôt après la mort du prince de Conti partir de Paris et aller s'établir à Arles, dans une maison meublée pour elle, où elle passe tout l'hiver à porter les soins de M. Pomme. C'était elle, sans doute, qui le rappelait sur son grand théâtre, le rétablissait dans la capitale et lui ramenait sa clientèle. Poussé par elle, le grand médecin des femmes arrivait à tout. Il devenait médecin consultant du roi, et en 1782, une nouvelle édition de son traité des affections vaporeuses paraissait, publiée par ordre du gouvernement et imprimée à l'imprimerie royale. En face de Pomme, un médecin s'est élevé, dont la popularité devait être plus durable, dont le nom est resté Tronchin. Tronchin dont les jolies femmes vont chercher les oracles à Genève. Tronchin qui voit toute la France se presser dans ses antichambres de Paris. Imaginez le Rousseau de la médecine. La révolution que la nouvelle Héloïse fait dans le cœur de la femme, les ordonnances de Tronchin l'accomplissent dans ses habitudes, dans sa vie journalière. Tronchin fait sortir la femme de sa paresse et de ses langueurs, presque de sa constitution. Il la force au mouvement, aux fatigues fortifiantes. Il lui impose de gros ouvrages. Il la fait frotter des salons, bêcher un jardin, se promener en réalité, sur ses pieds, courir, s'exténuer. C'est un mot que sa doctrine fait entrer dans la langue de la femme. Il rend ses membres à l'exercice, son corps à la liberté avec ses robes nouvelles, baptisées de son nom, portées bientôt dans tout Paris par les promeneuses appuyées sur de longues cannes, tronchinant, comme dit le temps. Marcher devient une mode, et c'est le temps où la maréchale de Luxembourg, attaquée sur le plaisir qu'elle peut trouver dans la société de la harpe, répond simplement pour la défense de la harpe et pour la sienne, « Il donne si bien le bras !» Occuper physiquement la femme, la distraire d'elle-même par l'activité et la lassitude corporelle, lui remuer le sang et les humeurs, lui rafraîchir la tête par l'exercice, le grand air, tels furent les moyens employés par Tronchin pour combattre les tristesses, les ennuis de la femme, la tirer d'un état de stagnation morale, remettre l'équilibre dans son organisme nerveux. Rien ne fut ajouté à ce système par les médecins en vogue qui vinrent après lui, par Lory, si goûteux que les malades descendaient pour le consulter dans son carrosse, par Barthès, le type des jolis médecins de femmes du temps, qui saignaient les dames avec une ligature à gland d'or et qui, pour avoir sauvé Madame de Montesson, recevait du duc d'Orléans une pension de 2000 livres. Cependant, tout en demandant le soulagement de son malaise physique à la médecine et aux charlatans, la femme cherchait en elle-même le remède de son malaise moral, remontant à la source de toutes ses souffrances, au principe de son mal, que trouvait-elle l'inoccupation des idées dans l'étourdissement, cette dispersion de soi-même, cette espèce d'éparpillement de l'âme que fait la dissipation. D'où lui venait ce goût de néant que toute chose et le plaisir même prenaient sous sa main, du néant qui était en elle, du vide caché sous une frivolité inquiète, de cette activité froide répandant son esprit de tous les côtés sans l'intéresser à rien, lui donnant du mouvement sans lui donner de ressort. Son grand mal, l'empoisonnement de sa vie, la misère de son être, était en un mot de manquer de ce qu'elle a appelé elle-même un objet. Un objet, voilà ce que la femme va poursuivre pendant tout le siècle. Et ce fond sérieux et solide de l'esprit, cet intérêt de la pensée, cette base, ce but, ce poids qui lui manque, elle ira les chercher avec passion, avec la fureur de l'engouement, sans souci de la singularité ou du ridicule, non point dans les passe-temps d'intelligence à sa portée, mais à l'extrémité opposée des talents et des aptitudes de son sexe, dans des études qui sembleront l'attirer par le sérieux, l'immensité, la profondeur, l'horreur même, par ce qui absorbe et remplit l'intelligence de l'homme. Les romans disparaissent de la toilette des femmes, et l'on ne voit plus que des traités de physique et de chimie sur les chiffonnières. Les plus grandes dames et les plus jeunes s'occupent des matières les plus abstraites et rivalisent avec Madame de Chaulnes, embarrassant les académiciens et les savants qui viennent chez son mari. Dès 1750, Maupertuis est déjà la coqueluche des femmes. Il est déjà de ton pour les petites maîtresses d'aller s'extasier aux séances de l'abbé Nollet et de voir sortir du feu, un feu qui fait du bruit, du menton d'un grand laquais qu'on gratte. Dans les salons de la fin du siècle, on forme des sociétés de 20-25 personnes pour suivre un cours de physique, un cours de chimie appliquée aux arts, un cours d'histoire naturelle ou de myologie. On rougirait de ne pas assister aux leçons de M. Cigaud de Lafont ou de M. Mitoire. Ne nomme-t-on pas parmi celles qui s'y pressent Mme d'Arville, de Jumillac, de Chastenay, de Mallette, d'Arcambal, de Melan? Une femme ne se fait plus peindre sur un nuage d'Olympe, mais assise dans un laboratoire. Que Rouelle, le frère du fameux Rouelle, fasse des expériences sur la fusion et la volatilisation des diamants, il aura pour spectatrice la marquise de Nesle, la comtesse de Brancas, la marquise de Pons, la comtesse de Polignac, Madame Dupin, qui suivront d'un œil attentif et curieux le diamant brillant sous le feu de la moufle, étincelant une dernière fois et suant la lumière. Un journal va paraître répondant aux besoins du temps, au goût de la femme, qui mêlant les sciences aux arts agréables, donnera, à côté de la poésie, des traits de bienfaisance, des variétés et des spectacles, les mémoires scientifiques, les descriptions de machines, les observations d'astronomie, des lettres sur la physique, des morceaux sur la chimie, des recherches de botanique et de physiologie, les mathématiques, l'économie domestique, l'économie rurale, l'agriculture, la navigation, l'architecture navale, l'histoire, la législation et les comptes rendus de l'Académie. Les pilâtres du Rosier, les Lablancheries vont exploiter la même idée, le même engouement. Les académies payantes, les musées vont naître. Les musées dont le succès est fait par le public des femmes applaudissant tout ce qu'on leur débite, et jusqu'aux compilations de Guéblin sur le bœuf à pisse. Musées et lycées vont remplir Paris de sciences aimables, d'érudition attrayante, et quel spectacle plus charmant que toutes ces jolies têtes tournées vers le docteur qui trône sur sa chaise curule au bout d'une longue table garnie de cristallisations, de globes, d'insectes et de minéraux. Il grasseille. Il nuance sa diction au milieu du cercle des femmes formant la première enceinte de l'auditoire, les joues sans rouge et comme pâlies par l'éveil, la tête appuyée négligemment sur trois doigts en équerre, immobile d'attention ou bien du regard et de la main faisant l'application du discours aux objets étalés sur la table. Mais les lycées ne suffisent pas. Le Collège Royal lui-même, cette école de tous les arts et de toutes les sciences fréquentée jusque-là par l'étude seule, le Collège Royal va voir en 1786 ses portes forcées par les femmes triomphant des répugnances de l'abbé Garnier, grâce à l'aide et aux intrigues de leur ami Lalande. On est loin de la délicate maxime de Madame de Lambert. Les femmes doivent avoir sur les sciences une pudeur presque aussi tendre que sur les vices. Nulle science ne répugne à la femme, et les sciences les plus viriles semblent exercer sur elle une tentation, une fascination. La passion de la médecine est presque générale dans la société. La passion de la chirurgie est fréquente. Beaucoup de femmes apprennent à manier la lancette, le scalpel même. Beaucoup se montrent jalouses de la petite fille de Madame Doublet, la comtesse de Voisenon, qui, auprès des médecins reçus chez sa grand-mère, a appris tant bien que mal l'art de guérir et médicamente dans ses terres, parmi ses amis, tout ce qui lui tombe sous la main. Si bien que des plaisants, insérant un carton dans le journal des savants, lui font croire qu'elle est élue présidente du collège de médecine. La marquise de Voyer raffole de leçons d'anatomie et s'amuse à suivre le cours du Schill dans les viscères, car l'anatomie est alors un des grands goûts de la femme. Peu s'en faut que les femmes à la mode n'aient dans un coin du jardin de leur hôtel ce petit boudoir, ces délices de Mademoiselle Biron, la grande artiste en sujets anatomiques faits de cire et de chiffon, un cabinet vitré plein de cadavres. Et ne verra-t-on point une jeune femme de 18 ans, la jeune comtesse de Coigny, se passionner tellement pour cette horrible étude qu'il ne lui arrivera point de voyager sans emporter dans le coffre de sa voiture un cadavre à disséquer comme on emporte un livre à lire. L'universalité de toutes les connaissances, l'encyclopédie de tous les talents, tel fut ce rêve de la femme du XVIIIe siècle, inspirée par l'exemple de ce génie si vif et si léger, qui, en touchant à tout, semblait embrasser tout, par ce Voltaire qui, pour se reposer de remuer le monde des passions, remuait par passe-temps le monde des sciences. Que devait-il en sortir? Rien qu'un joli monstre, une femme sachant saigner et pincer de la harpe, enseigner la géographie et jouer la comédie, dessiner des romans et des fleurs, herboriser, prêcher et rimer, le type parfait de ce que le temps appelait une virtuose, Madame de Genlis. Une femme se trouva au XVIIIe siècle qui résista à ces deux mouvements opposés de l'âme de son sexe, à ces deux grands courants de la mode, dont l'un entraînait la femme à toutes les coquetteries raffinées du caprice, de l'étourderie précieuse, de la légèreté, de la mobilité, l'enlevait à la vie réelle, presque à la terre, dont l'autre l'emportait, à la suite de Madame du Châtelet, vers le bel esprit des sciences. Dans cette sphère des amusements chimiques et physiques où Newton s'appelle Algarotti, vers la vanité et la superficie de toutes les connaissances. Mais tout en combattant également ces deux grands travers, cette femme ne put avoir raison du dernier. La vogue des sciences et des lycées devait lui survivre, se répandre encore, résister même à la révolution, et reparaître sous le directoire avec tout l'éclat de ses ridicules. Il n'en fut pas de même de l'exagération, et si l'on peut dire, de la fièvre de la grâce. Elle la déconsidéra, elle la discrédita presque absolument. Du haut de l'influence de son salon, cette femme, une bourgeoise, fit tomber d'un coup d'épingle toute cette bouffissure, rendit à la vérité l'âme de son sexe et remit sa coquetterie dans le chemin du naturel. À cette originalité, à cet agrément, cherché par la femme d'alors dans le tour des sentiments travaillés et l'enflure de la langue forcée, cette femme opposait la simplicité, une simplicité de fondation, de vocation, de tradition et de nature, qu'elle tirait de sa naissance et de sa personne, de l'ordre dont elle sortait aussi bien que de la tendance de ses goûts, de son esprit, de sa raison froide, de son âme rassise, de son bon sens impitoyable. Et ce n'était point seulement son caractère que la simplicité, c'était encore son étude, sa préoccupation, sa vanité. Elle la perfectionnait, elle la méditait, elle la polissait. Elle en faisait une arme contre les façons d'être et de paraître du monde d'alors, tandis que tous autour d'elle cherchaient à briller, à éclater, que la mode était de tirer l'œil ou d'accrocher l'esprit des autres, au milieu de cette universelle manie de se jeter et de se témoigner au dehors, qui faisait en ce temps de l'épithète unie une condamnation absolue, une cruelle injure, elle prenait cette qualité négative, l'unie, pour sa règle. Et la devise de sa personne était la devise de son appartement, rien en relief. Elle affichait le simple, elle le jouait contre son siècle, allant jusqu'à rechercher les images triviales, les comparaisons de ménage, les métaphores tirées de bas pour ôter toute prétention à ses idées les plus ingénieuses. Et dans ce temps où l'âme semblait ne pouvoir se passer de manière, où la vie, la pensée, l'amour, tout se déréglait et se désordonnait, où la femme demandait une sorte de folie à ses sensations, cette femme demeurait droite et ferme, restant une âme toute faite de raison, affectant le terre-à-terre, se vantant d'ignorance, bornant au repos de l'être le système et le plan du bonheur. Au lieu de sortir d'elle-même, elle s'y tenait réfugiée. Fuyant tout effort, toute peine, toute secousse, elle poussait ses facultés vers une certaine nonchalance, elle inclinait ses désirs vers une sorte de paresse, et cette paix, qui était en elle un renoncement philosophique, elle la gardait par une pratique de vie constante et régulière, affermie de maximes et d'axiomes. Modération, tempérament en toutes choses, c'était le secret de ce parfait et tranquille équilibre établi jusque dans les mouvements d'un cœur pondéré par cette femme qui se dérobait à l'émotion de la charité même et dont la bouche, un jour, laissa échapper comme une bouffée de glace cette phrase froide « Je ne me défie de personne, car c'est une action, mais je ne me fie pas, ce qui n'a pas d'inconvénient. » Le papillotage ne put longtemps résister à la protestation de cette figure sereine, nette, sèche, qui rattachait, dans toute sa personne, la femme à la réalité de la vie, à la nécessité du sens commun, et cette femme sans séduction, sans esprit, ironique seulement par son exemple et l'opposition de sa manière d'être, Madame Geoffrin eut l'honneur de changer un instant son sexe et de le refaire à son image. Elle imposa silence à ce cri de la femme du XVIIIe siècle « Si jamais je pouvais devenir calme, c'est alors que je me croirais sur la roue. » Elle apaisa son sexe, elle le rasséréna, elle le tira de cet état de convulsion et d'ivresse dans lequel Madame de Prie lui avait appris à vivre, et avec le calme, elle ramena le vrai dans cette société qui en avait perdu le sentiment. Son autorité remit en honneur le vrai du sentiment, le vrai de la conversation, et ce furent bientôt les charmes sociaux supérieurs à tous les autres. Se comparant avec des femmes de la société plus jolies qu'elle, douées d'un plus grand agrément, animées d'un plus vif désir de plaire, et se demandant d'où lui est venue sa supériorité sur ces femmes, moins recherchées, moins aimées qu'elles, moins entourées des flatteries du monde, de Mademoiselle Lespinasse se répond à elle-même justement que son succès tient à ce qu'elle a toujours eu le vrai de tout, et qu'à ce mérite, elle a joint celui d'être vrai en tout. Mais à mesure que se faisait dans la femme ce débarras, ce dépouillement de toute exagération, à mesure que son langage, ses expressions, son esprit, son âme revenaient au vrai, et que tout en elle se modelait sur la vérité, en prenait la mesure, l'empreinte et l'accent, la femme semblait rappeler à elle ce qu'elle était habituée à jeter hors d'elle-même et à répandre. Les choses et les personnes, ne lui apparaissant plus que dans la réalité de leur être et de leur essence, le jugement se substituant en elle à la sensation, sa pensée ne s'ouvrant plus qu'aux idées de rapport, la femme perdait peu à peu l'instinct et l'illusion du premier mouvement. Il n'y avait plus rien de jaillissant dans son imagination, de spontané et d'abandonné dans ses sentiments. Elle se resserrait, elle se détachait des autres, et se retirait dans le cercle étroit de la personnalité. Elle s'affermissait contre l'effusion et l'expansion. Elle se garait de l'émotion, et s'avançant dans la paix de l'égoïsme, elle faisait, chaque jour à sa sensibilité, la place moins grande. La froideur de sa tête descendait dans son cœur, et elle arrivait à pouvoir dire, en mettant la main sur ce cœur qu'elle empêchait de battre, et qu'elle forçait à penser, le mot, le grand mot de Madame de Tencin à Fontenelle, c'est de la cervelle qui est là. C'est alors que la sécheresse, ce dernier caractère d'un siècle d'esprit, arrive à être chez la femme un caractère constant, et que de paroles, que de cris échappés l'arrêt d'elle. Il y a des correspondances où le génie de la femme du XVIIIe siècle semble le génie de la sécheresse. C'est comme un sens dominant tous les autres qui triomphe des faiblesses et des tendresses de la femme, de sa nature, de son sexe. Cette sécheresse de la femme apparaît partout, sans voile, crûment et ingénument, dans le cynisme ou dans la grâce, brutale ou polie, effrayante ou légère. Elle s'accuse dans des mots qui creusent un abîme dans l'humanité du temps. On la touche, on la respire, elle fait peur, elle fait froid dans ce retour qu'une femme du siècle fait sur elle-même en regardant embrasser un enfant. « Je n'ai jamais rien pu aimer, moi. » Cette sécheresse effraye dans l'amour et dans toutes les passions de la jeunesse. Elle épouvante dans les habitudes, les attachements, les amitiés même de la vieillesse. Écoutez son dernier mot dans ce dialogue de mort, dans cette scène d'une tristesse sinistre et que pouvait seul produire le siècle, où Montesquieu attribuait la grande amabilité d'une personne à ce qu'elle n'avait jamais rien aimé. Madame du Deffand, vieille, aveugle, est assise dans son tonneau. Son vieil ami Pont-Nevel est couché dans une bergère au coin de la cheminée. Il cause. « Pont-Nevel, madame, où êtes-vous ? au coin de votre cheminée. Couchez les pieds sur le chenet, comme on est chez ses amis. Oui, madame. Il faut convenir qu'il est peu de liaison aussi ancienne que la nôtre. Cela est vrai. Il y a 50 ans. Oui, 50 ans passés. Et dans ce long intervalle, aucun nuage, pas même l'apparence d'une brouillerie. C'est ce que j'ai toujours admiré. Mais, Pont-de-Vel, cela ne viendra-t-il point de ce qu'au fond, nous avons été toujours fort indifférents l'un à l'autre? Cela se pourrait bien, madame. Un soir, après souper, au Palais Royal, c'était un de ces petits jours qui rassemblaient la société intime, les dames travaillaient autour de la table ronde. La duchesse de Chartres, madame de Montoissier, madame de Blot, parfilaient. Madame de Genlis faisait une bourse entre monsieur de Thiars et le chevalier de Durfort. Le duc de Chartres se promenait dans le salon avec 3 ou 4 hommes, allant et venant. La causerie tomba sur la nouvelle Héloïse. Madame de Blot, si mesurée, si compassée d'ordinaire, en commença un éloge si vif, si emphatique, que le duc de Chartres et les hommes qui se promenaient avec lui se rapprochèrent. Et l'on fit cercle autour de la table. Madame de Blot continua intrépidement sa thèse devant le cercle, sous le regard du duc de Chartres. Et s'animant à mesure qu'elle parlait, elle finit par s'écrier qu'il n'existait pas une femme véritablement sensible qui n'eût besoin d'une vertu supérieure pour ne pas consacrer sa vie à Rousseau s'il pouvait avoir la certitude d'en être aimé passionnément. Ce cri d'une femme est le cri de la femme du XVIIIe siècle, et c'est la grande voix de son temps et de son sexe que fait entendre cette bouche de prude. L'influence prodigieuse de Rousseau, la captation de son génie, l'enivrement de ses livres, son règne sur l'imagination féminine, l'enthousiasme, la reconnaissance, le culte amoureux et religieux dont cette imagination entoure jusqu'à sa personne, madame de Blot les signifie avec la vivacité et la sincérité de l'opinion, avec la conscience de toutes ces femmes achetant comme une relique un bilboquet de Rousseau baisant son écriture dans un petit cahier. Il était juste que Rousseau inspirât à la femme ce culte et cette adoration. Ce que Voltaire est à l'esprit de l'homme au XVIIIe siècle, Rousseau est à l'âme de la femme. Il l'émancipe et la renouvelle. Il lui donne la vie et l'illusion. Il l'égare et l'élève. Il l'appelle à la liberté et à la souffrance. Il la trouve vide et il la laisse pleine d'ivresse. Révolution morale, immense en profondeur, en étendue, et qui engagera l'avenir. Rousseau paraît, c'est Moïse touchant le rocher. Toutes les sources vives se rouvrent dans la femme. À ce monde usé de plaisir, lassé d'esprit, et que dévorent toutes les sécheresses et tous les égoïsmes d'une société à son dernier point de raffinement et de corruption savante, il rend les forces et les vertus expansives. Et qu'a-t-il donc apporté, cet apôtre misanthrope, cet homme providentiel, attendu par la femme, invoqué par l'ennui de son cœur, appelé par ce temps qui souffre de ne pas aimer, qui meurt de ne pas se dévouer? Une flamme, une larme, la passion. La passion qui, malgré l'opinion de celui-là même qui l'apportait au XVIIIe siècle, va devenir au XIXe siècle si propre à l'intelligence même de la femme qu'elle sera le génie des deux grands écrivains de son sexe et l'inspiration de leur chef-d'œuvre. Au souffle de Rousseau, la femme se réveille. Un frémissement passe dans le plus secret de son être. Elle vibre à des sensations, à des émotions, à 1000 pensées qui la troublent. Elle renaît à des tendresses et à des voluptés qui pénètrent jusqu'à sa conscience. Son imagination afflue à son cœur. Et l'amour lui apparaît comme un sentiment nouveau, ressuscité, sanctifié. À l'amour de galanterie, à l'amour léger et brillant du XVIIIe siècle, succède la possession, le ravissement de l'amour. Ce n'est plus un caprice amusant d'un goût, c'est un enthousiasme mêlé d'une folie presque religieuse. L'amour devient passion et n'est plus que passion. Il prend une langue de flamme, un accent qui touche au ton de l'hymne. Voyant son objet parfait, il en fait son idole. Il le place dans le ciel. Il flotte dans 1000 images et dans 1000 idées divines. Le paradis, les anges, les vertus des saints, les délices du céleste séjour. Il écrit à genoux sur un papier baigné de pleurs. Il s'exalte par le combat du remords, par l'enivrement de la faute. Il s'ennoblit par le sacrifice. Il se purifie par l'expiation. Il efface la faiblesse par le devoir. Il est son absolution à lui-même, une vertu dispensant de toutes les autres, qui sauve dans les plus grands entraînements l'âme de la femme de la dégradation de son corps, en lui laissant le goût l'appétit ou le regret de l'honnête et du beau, délire sacré, idéal plein de tentations, auquel la nouvelle Héloïse convie tous les sens de l'âme de la femme, ses facultés, ses aspirations, dans des pages qui tremblent comme le premier baiser de Julie, et percent et brûlent comme lui jusqu'à la moelle. Mais ce n'est pas assez de rendre à l'amour ce cœur de la femme fondu et liquéfié au feu de ses romans. Rousseau le rend encore à la maternité. Il rapproche l'enfant du sein de la femme, il le lui fait nourrir du lait de son cœur, il le rattache une seconde fois à ses entrailles, et il apprend à la mère, comme a dit une femme, à retrouver dans cette petite créature serrée contre elle et qui lui réchauffait l'âme une seconde jeunesse dont l'espérance recommence pour elle quand la première s'évanouit. Rousseau fait plus. Il révèle à la mère du XVIIIe siècle les devoirs et les douceurs de cette maternité morale qui est l'éducation. Il lui inspire l'idée de nourrir ses enfants de son esprit comme elle les a nourris de son corps et de le voir grandir sous ses baisers. Du foyer, il fait une école. Par lui, se fait le retour universel de la société vers l'ordre de sentiments exprimé par le mot qui semble monter de tous les cœurs à toutes les bouches, la sensibilité. La sensibilité à laquelle bientôt l'usage attache l'épithète d'expansive. Il se crée une langue nouvelle, un nouveau code moral et sentimental qui n'a d'autre base, d'autre principe que cette sensibilité partout exprimée, affichée, apportant un si grand changement à la physionomie de ce monde, à ses vocations et à ses modes, aux manifestations de ses dehors, aux coquetteries même de la femme. Sensible, c'est cela seul que la femme veut être, c'est la seule louange qu'elle envie, sentir et paraître sentie. Voilà l'intérêt et l'occupation de sa vie. Et elle ne s'extasie plus sur rien que sur le sentiment dont elle a, dit-elle, plus besoin que de l'air qu'elle respire. Il devient presque d'usage pour une femme de passer la nuit dans les larmes, le jour dans des inquiétudes mortelles, à propos d'un rien. Lui arrive-t-il un chagrin, elle montrera le sublime de la douleur, et que de sollicitude pour les gens qu'elle adore. Découvre-t-elle un chagrin dans un cœur qui lui appartient, elle s'en empare, elle en fait son bien. Elle ne peut plus parler d'autre chose, et elle en parle les yeux humides. Un de ses amis est-il malade? Elle vole chez lui, elle s'y établit, elle consulte avec le médecin, elle fait les bulletins. Si le danger augmente, elle ne laisse plus dormir les gens, qui vont d'heure en heure chercher des nouvelles. La tendresse prend un air de fureur. L'exaltation enflamme toutes les affections, toutes les émotions féminines. Dans ce grand mouvement de sensibilité, l'esprit même de la femme est entraîné au goût de son âme. Il ne veut plus que des romans attendrissants, des histoires qui s'appellent Aristes ou Les charmes de l'honnêteté, des livres qui montrent une vertu bien aimable et bien sublime, récompensée dans un dénouement pareil à ce couronnement de la rosière de Salancy, couru par toutes les femmes d'alors, par les filles même. C'est le moment de vogue des épreuves du sentiment, le petit instant de gloire de Darnot, le peintre du sentiment, le conteur chéri des âmes tendres. La femme veut être émue, émue jusqu'aux larmes. Elle est dans cette étrange situation morale qui a fait dire à Madame de Staël, de sa mère, ce qui l'amusait était ce qui la faisait pleurer. Elle court au théâtre pour pleurer. Elle pleure à chaudes larmes lorsque dans le cri de la nature paraît sur la scène un petit enfant au maillot. Au père de famille de Diderot, on compte autant de mouchoirs que de spectatrices. Les femmes se pressent à toutes les pièces sombres et pathétiques, au Roméo, au Hamlet, au Gabriel de Vergy. Elles accourent à cette pantomime des convulsions qui paramètrent la cendre du diacre Paris sous le théâtre français. Et la plus grande partie de plaisir est pour elles d'aller s'évanouir à ces drames où le cœur est délicieusement navré et pressé délicatement par des angoisses terribles qui sont le charme du sentiment. Il semble que ce cœur de la femme, gros de larmes, dilaté par la sensibilité, ne puisse plus vivre en lui-même. Il est pris de je ne sais quel irrésistible besoin, quel immense désir de se répandre, de participer à la solidarité humaine, de battre avec tout ce qui respire. Il déborde, et le monde va devenir trop petit pour ses embrassements. Des individus qu'elle touche par les sens, la sympathie de la femme ira au peuple, aux nations les plus lointaines, à tous les hommes, à l'humanité tout entière, dont elle conçoit pour la première fois la notion « humanité ». C'est à cette grande idée que s'élève, comme à son dernier terme, la sensibilité des femmes. C'est vers elles que se tournent toutes leurs études, allant des sciences exactes aux sciences sociales, politique, économique, philanthropique. C'est à elle que les plus grandes dames rapportent leur jugement. C'est en son nom qu'elles donnent leur admiration et qu'elles accordent la gloire, la véritable gloire, aux hommes qui sont des citoyens, des agriculteurs, des défricheurs, des bienfaiteurs de peuple. Humanité, c'est cette belle chimère de l'œuvre de Rousseau qui entraînera la femme dans le rêve des vérités abstraites et la fera arriver à la révolution avec des trésors d'enthousiasme tout prêts pour l'utopie. Rousseau renouvelle encore l'âme de la femme en lui restituant un sens. À cette femme, d'une si rare élévation spirituelle, si délicatement douée, possédant la faculté de perception si fine, si profonde, à la femme du XVIIIe siècle, une grâce de l'âme, un sentiment, un sens fait absolument défaut, le sens de la nature. En ce temps d'extrême civilisation, de sociabilité sans exemple, le monde est pour la femme non seulement le grand théâtre de la vie, mais l'unique raison d'intérêt, d'impression, d'émotion. Seul le monde agit sur elle et parle à ses facultés. C'est le milieu et la prison de tout son être. Au-delà de ce décor factice, on croirait que tout finit en elle, l'horizon cesse. Où le bruit de l'humanité se tait, où le silence de Dieu commence, la femme ne trouve ni un accord, ni une harmonie. Son cœur reste sans s'ouvrir, sans s'éveiller à la nature. Il ne passe sur ce cœur ni l'ombre de la feuille, ni le souffle du vent. Ses yeux même semblent fermés aux tendresses de la verdure, et la campagne n'est autour d'elle que comme un grand vide qui se laisserait traverser. Qu'une lettre, qu'une correspondance, qu'un journal échappe de là, de la campagne à la plume d'une femme, qu'elle écrive, d'une chambre de château, la fenêtre ouverte au ciel et aux arbres, il ne tombera sur le papier rien de ce ciel ni de ces arbres. Vainement y cherchera-t-on un parfum, un reflet, un murmure venu des moissons, un battement tombé de l'aile d'un oiseau, cet air ambiant qui est, pour ainsi dire, l'air natal d'une lettre. Le ton, la plume, l'encre, tout est de Paris. La femme y est restée, et ce ne sont que détails vifs, piquants, pensées libres et à l'aise sur les femmes et les hommes qui peuplent sa solitude et font une société de son désert. Son esprit, dans cette atmosphère de rosée, sous la caresse du matin, est pareil à ce qu'il serait au-dessus du pavé de la rue Saint-Dominique. Il demeure tendu, armé, de sang-froid, ferme en toutes ses sécheresses. Rien alors dans l'idée de la campagne qui sourit à l'imagination féminine. Enchantement mystérieux, détente de l'âme, expansion des sens, attendrissement des idées, sérénité pacifiante, épanouissement de l'être retrempé dans sa patrie première, ses promesses, ses séductions, ses images que la vie des champs évoque aujourd'hui sont non avenues pour elle. Une odeur d'ennui, c'est tout ce qui se lève pour elle de la nature. Une femme d'esprit n'avoue-t-elle pas, ne proclame-t-elle pas le sentiment universel de son temps et de son sexe, en disant que les beaux jours donnés par le soleil ne sont que pour le peuple, et qu'il n'est de beaux jours pour les honnêtes gens que dans la présence de ce qu'on aime. C'est l'heure où pour la femme et pour l'homme le monde en est venu à cacher le soleil. Et qu'est tout uniment la campagne pour la femme du règne de Louis XV, l'exil. Et sinon l'exil dans le sens propre du mot, au moins dans le sens figuré. Elle représente l'éloignement de la cour, l'éloignement de Paris, un temps de réforme et d'économie où l'on expie et où l'on regagne les dépenses, les fêtes, les toilettes de l'hiver, un lieu de pénitence, sans ressources, sans nouvelles, où l'on ne trouve rien en fait de compagnie, et où il faut tout faire venir de Paris, les sujets de conversation, les gens aimables et jusqu'à des amis. Emporter leurs salons, leurs habitudes, c'est la grande préoccupation de toutes celles qui partent et vont, comme elles disent, s'enterrer. Et il faudra que le siècle soit bien vieux et tout près de finir, pour que la villégiature ne soit plus l'exil, mais une récréation, un repos, une retraite à la mode, et aussi le beau moment de la vie de famille. Jung, traversant la France sous le règne de Louis XVI, trouvera les premiers symptômes d'une vie de château nouvelle, une véritable habitation des terres par de grandes dames et de grands seigneurs, des séjours prolongés et comme une affectation à se passer de Paris, à l'oublier, à le bouder. Jusque-là, quelle vie mène-t-on à la campagne? La vie de Paris. Dans le salon aux grandes fenêtres, donnant sur les bois et les prés, le jeu dure toute la journée, retient les gens et dispense de la promenade. Le petit jeu s'ouvre le matin, le grand jeu commence après le dîner, va jusqu'au souper, reprend après le souper jusqu'au-delà de minuit. Ou bien, si l'on ne se donne pas au jeu, l'on appartient à la conversation. Et l'heure du sommeil ne sonne pas au château plutôt qu'à l'hôtel. On ne se couche guère qu'au matin, tant on met de temps à se souhaiter des bonsoirs de chambre en chambre, à se conter des historiettes, à prolonger la soirée par des contestations, des observations, des répliques, des contes, un dernier feu, une dernière folie de causerie. Au réveil, le lendemain, tout ce monde, une fois habillé, ne pense qu'au courrier, aux nouvelles attendues de Paris. Et le grand événement du jour est l'arrivée du Mercure de France, peinte par Labrins comme le seul moment d'intérêt de la campagne. Il est un signe bien frappant de ce détachement de la femme du XVIIIe siècle pour la nature, de son indifférence, de son aveuglement. Elle ne l'aperçoit, elle ne la respire pas même dans l'amour. Jamais la femme amoureuse de ce temps n'associe le ciel, la terre, l'orage ou le rayon à sa passion. Jamais elle ne fait conspirer la création avec son cœur. Son bonheur est sourd au chant de l'alouette. Le paysage qu'elle traverse ne met rien de sa gaieté ou de sa mélancolie à ses tristesses ou à ses joies. Et les journées passées au grand air, les senteurs entêtantes, les midis irritants, les heures lourdes et chaudes donnent si peu d'exaltation à sa tête, à ses sens, que la séduction si habile, si savante du XVIIIe siècle ne les fait presque jamais entrer en ligne de compte dans ses chances et ses moyens de victoire. À peine si cette séduction songe à trouver, dans un cours d'eau qui passe dans un parc, une occasion de familiarité, un prétexte pour presser une main refusée, serrer une taille qui se dérobe, et c'est toute la complicité qu'elle demande à la nature contre la résistance de la femme. Aussi tous les romans d'amour sont-ils marqués de ce caractère étrange, l'absence de la nature. De loin en loin seulement, les personnages y rentrent du dehors, d'un lieu non désigné, vague et secret, pareil à un enclos autour d'une petite maison. Point une perspective, point une bouffée d'air, toujours la même scène étroite, étouffante, le boudoir, le salon, le demi-jour du réduit ou le jour des bougies, cette même lumière et ce même cadre factice de l'humanité. De livre en livre, on peut suivre ce divorce de la nature et de l'amour, cette suppression du paysage, cette disparition du soleil, de l'oiseau, de l'étoile. Au-delà des liaisons dangereuses, à l'extrémité dernière du génie du siècle, à son paroxysme enragé, que l'on aille jusqu'à ces romans où le sang coule sur la boue. La nature est éteinte autour de la Priapée comme un cauchemar. C'est le désert. Un désert où il n'y a plus un animal, plus un arbre, plus une fleur, plus un brin d'herbe. Rousseau rouvre à la femme, dans les risées de Clarins, le paradis perdu des champs et des bois. Les fleurs semées par le vent, les broussailles de roses, les forêts de lilas, les allées tortueuses, les plantes grimpantes, les sources, l'eau courante, la solitude, l'ombre. Il lui montre toutes ces délices et les lui fait sentir. Il déploie devant ses yeux la plaine et la colline, le lac et la montagne. Il lui révèle cette poésie du paysage, du ciel, du nuage et de l'arbre, qui donne une âme au sens et des sens à l'esprit. Comme au chant du rossignol qui chantait sur sa tête, dans cette nuit enchantée, au-dessus de ce jardin près de Lyon, le XVIIIe siècle, à sa voix, retrouve les harmonies de la nature. Il retrouve ce sentiment ignoré de la France, inconnu des lettres jusqu'à Rousseau. M. Sainte-Beuve en a fait le premier, la remarque délicate, le sentiment du vers. La femme devient folle du champêtre. Elle se sent à la campagne heureuse d'être et s'y écoute vivre. Il y a pour elle de doux et mystérieux accords qui montent du silence, caressent son cœur et sa pensée. Le bruit du vent, la joie du soleil, le murmure des chants, la pénètrent et s'associent à son âme de la même façon qu'il s'associe à l'âme des personnages de Rousseau. Elle ne goûte pas seulement une volupté tranquille dans les spectacles de la nature. Elle y ressent une émotion pleine d'ardeur et d'élancement. L'air vif et libre, qui fait sa respiration légère et facile, donne à ses idées une sorte d'allégresse. Elle s'abandonne à un enthousiasme où l'attendrissement se mêle à l'émotion. L'élévation du naturalisme va venir à son sexe, et par un beau soir, devant un ciel qui brille encore et n'éblouit plus, devant cette voûte où les étoiles s'allument une à une derrière le jour, une femme émue, ravie, détachée de la terre, cherchant quelque chose d'intelligent et de sensible qui puisse l'entendre et recevoir l'effusion de son âme, une femme qui sera Madame Roland, trouvera le dieu de Rousseau dans ce ciel qui va s'éteindre, et de sa fenêtre du quai, elle jettera cette prière au soleil disparu, « Ô toi, dont mon esprit raisonneur va jusqu'à rejeter l'existence, mais que mon cœur souhaite et brûle d'adorer, première intelligence, suprême ordonnateur, Dieu puissant et tout bon, que j'aime à croire l'auteur de tout ce qui m'est agréable, accepte mon hommage, et si tu n'es qu'une chimère, sois la mienne pour jamais. »